Chapitre 5. Il s'était assis, la tête dans ses mains, sur ses dernières marches de l'escalier. Le débat engagé en lui absorbait les énergies de sa personne au point de lui avoir fait oublier où il était et qu'il pouvait être surpris par quelqu'un de la maison. Alors les difficultés morales de la situation se compliqueraient de difficultés matérielles. La fugitive était toujours dans le pavillon. Que l'éveil fût donné par des singularités de son attitude, à lui, aussi prodigieuse que cette méditation, la nuit, dans ce coin du château, et l'on pouvait le suivre, découvrir son secret, le dénoncer. Il s'agissait bien de prudence humaine pour cette âme, où toutes les virginités de la conscience n'avaient même jamais été effleurées par la tentation, et qui se trouvait aux prises avec des scrupules d'un ordre tragique. Les minutes passaient, ces minutes pourtant comptées, et il continuait de se tenir ainsi en proie au va-et-vient de sa volonté. Tout d'un coup, il releva la tête. L'horloge à gaine de bois, placée au bas de l'escalier, sonnait les 12 coups de minuit qui montaient dans la grande paix de la campagne avec une solennité singulière. François les compta, l'un après l'autre, ces implacables appels de métal. La perception de la fuite des heures achevait de le déterminer à un nouveau projet qui s'élaborait dans sa pensée, à travers les conflits de sa promesse et de son ressentiment filial, de son serment et de sa moralité. Il y a toujours, dans ces luttes intérieures, un instant où nous croyons entrevoir la solution conciliatrice, et nous nous réfugions en elle comme le pilote d'un vaisseau battu de la tempête entre dans un port avec la sensation du salut. « C'est cela, » disait de nouveau François à voix basse, « comment n'y ai-je pas songé plus tôt ? Il n'y a pas d'autre moyen de mettre d'accord l'honneur de la parole donnée et l'autre, le véritable. » Si elle refuse, je n'aurai plus rien à me reprocher. Si elle accepte, du moins cet attentat de Murren aura été son dernier crime. Elle acceptera. Elle ne peut pas ne pas accepter. Mais si elle doit encore marcher cette nuit, il est nécessaire qu'elle ait mangé. Elle paraissait si faible. Et déjà, il descendait à tâtons dans l'obscurité les marches de l'escalier. Il allait dans la bibliothèque prendre une petite lampe électrique dont il se servait pour ses promenades nocturnes dans le parc. Il entrait dans l'office. Il y prenait du pain, de la viande froide, du vin, et moins d'un quart d'heure plus tard, sortit de la maison par la porte-fenêtre qu'il avait déjà franchie une première fois pour marcher au-devant de la fugitive, il arrivait au pavillon. Il s'attendait qu'au grincement de la clé sur le pêne, l'emprisonné bougerait, qu'elle demanderait « Qui est là ?» Rien. C'était l'échappée de son côté, ne le voyant pas revenir. Les engins de pêche, toujours amoncelés devant la porte de la cabine, attestait qu'aucune main ne les avait touchés depuis lui. Il essaya d'ouvrir cette porte. Elle était fermée en dedans par un loquet de bois que son effort fit sauter. Il tremblait maintenant que Madame Nutsved ne fût morte, morte de terreur, d'épuisement, d'excès d'émotion. Que savait-il ? Elle s'était tout simplement endormie à même la banquette, comme un animal recru de fatigue après une poursuite acharnée qui l'a fini par tromper. Sa tête s'appuyait sur l'angle de bois blanc, et la détente du repos lui rendait une expression toute juvénile, presque enfantine. Ses 25 ans paraissaient à peine 18. Si pressé fut-il d'aboutir à une conclusion positive qui mit fin au malaise de ses incertitudes, François de Bessay ne put s'empêcher de regarder, avec une curiosité où la pitié se mélangeait à l'horreur, ce visage aux traits déliés. L'atroce action de l'avant-veille semblait n'y avoir pas laissé de traces. La main qui avait tué... Tuer, quelle mystérieuse et terrible chose, pendait, inerte, molle, comme celle d'une petite fille. La respiration allait et venait, paisible, régulière. Le contraste entre la tranquillité de ce sommeil et ce qu'il savait de cette femme irrita si vivement les nerfs troublés du jeune homme qu'il la réveilla en lui secouant le bras presque avec brutalité. Elle sursauta. La tension d'une créature en guerre avec la société contracta du coup cette physionomie. Elle reconnut François et reprenant son sang-froid. « Ah, c'est vous, » dit-elle. « Ces gens sont partis. Je les ai entendus qui causaient devant la porte du pavillon. Ils ont tourné la clé, ils ne sont pas entrés. C'est ensuite que je me suis endormie. Je me sentais si lasse. J'avais si faim. « Ils sont partis, » répondit-il, « et je vous ai apporté de quoi manger. » « Je ne bois jamais de vin, » reprit-elle en repoussant la bouteille et le verre que le jeune homme lui tendait. « Donnez-moi cette eau tout bonnement. » Elle lui indiquait le bassin où le flot du lac clapotait contre les barques. Quand il lui apportait le verre rempli, elle le vida d'un trait, puis elle commença de manger le pain et la viande avec une avidité animale qui dénonçait l'intensité du besoin. Ce repas fini, elle alla elle-même vers l'embarcadère, descendit les quelques marches de bois, prit de l'eau entre ses mains avec laquelle elle lava son visage à plusieurs reprises, et s'étant essuyée avec son mouchoir, elle se retourna du côté de François. Sans s'attarder à des remerciements, de l'accent de quelqu'un pour qui chaque minute perdue est une chance de salut enlevée, « Je suis prête, » dit-elle, « il faut que j'aille. Je dois gagner Stretlingen, où l'on m'attend. Avec la barque, nous y serons vite, si vous voulez m'aider à ramer jusque-là. » « Et si je ne veux ni vous aider, ni vous laisser prendre la barque ?» répondit-il. Sa voix avait changé pour prononcer ces paroles si différentes de celles que la fugitive attendait. Elle remonta l'escalier de l'embarcadère avec une extraordinaire agilité, et venant droit à lui, elle le regarda, les yeux dans les yeux, à la clarté de la petite lampe électrique posée sur une table. « Si vous ne voulez pas, » demanda-t-elle, « qu'est-ce que cela signifie ?»« Cela signifie que j'ai réfléchi et que je ne me prêterai à votre fuite qu'à une condition. » J'ai le droit de vous l'imposer. Vous allez me jurer qu'à partir d'aujourd'hui, vous abandonnerez l'exécrable secte des révolutionnaires à laquelle vous êtes affiliés, que jamais plus, entendez-vous, jamais plus, vous ne participerez à aucun complot, que ce crime contre l'innocence des Nakers aura été le dernier, que si vous avez reçu l'ordre de tuer le général Gorka, vous n'exécuterez pas cet ordre. Vous allez me jurer de changer votre vie, enfin, sinon... Sinon, vous manquerez à votre parole, interrompit-elle. Une amertume insultante avait passé dans sa voix. « Manquez-y donc tout de suite, monsieur, » continua-t-elle. « Vous m'avez pris mon arme. Je ne peux pas me défendre, et je n'ai plus la force de m'échapper. Arrêtez-moi. Puisque vous avez l'âme d'un policier, faites-en la besogne. Jamais je ne jurerai ce que vous dites, jamais. Je n'ai pas commis de crime, j'ai fait mon devoir. Il est possible que je me sois trompé, et que j'ai pris ce monsieur Stenakers pour le général Gorka. J'ai agi de bonne foi, nous sommes dans une bataille. » Et toute bataille fait des victimes. Non, je ne jurerai pas d'épargner ce Gorka, si je le rencontre. Je ne sais pas ce que c'est que de manquer à un engagement, moi. Quand je vous ai promis de ne pas me défendre, si j'étais surprise, par pitié pour vos larmes, alors que vous m'imploriez au nom de votre mère, j'étais sincère. Je vous en ai donné la preuve. Vous, vous me jouiez une comédie, vous jetez le masque, tant mieux. Manquez à votre parole, je vous le répète. Oui, j'aime mieux que vous y manquiez. Cela me prouve une fois de plus... ce que balle ces hautes classes auxquelles vous appartenez. J'ai failli avoir des remords pour notre œuvre à cause de ce que vous m'aviez dit de votre père. Vous me les enlevez. On l'a tué. Vous me livrez. Nous sommes quittes. Madame, s'écria le jeune homme, ne parlez pas de mon père. Ne me tentez pas. Je vous donne des excuses pour commettre l'infamie que vous avez décidée. De quoi vous plaignez-vous ? Répondit-elle. Il continua sur un ton d'ironie plus âcre, révélant par cette allusion l'étudiante qu'elle avait dû être, qu'elle était peut-être encore. « Vous ne serez pas un simple Judas. Vous pourrez vous appeler Oreste ou le Cid. Alors vous n'acceptez pas mes conditions. Non. Vous ne voulez pas me promettre que vous ne commettrez pas de nouveaux meurtres. Non. Eh bien, vous ne sortirez d'ici que pour aller où vous méritez d'aller, » dit-il, d'un bond, comme s'il avait eu peur qu'elle ne le suivît et ne cherchât à s'échapper dans le parc. Il fut à la porte du pavillon. Il l'ouvrit et la referma derrière lui comme l'autre fois d'un double tour de clé, pas assez vite pour ne pas entendre sa prisonnière éclater d'un rire outrageant et elle dit « Je vous donne ma parole d'honneur que je ferai tout ce qui dépendra de moi pour vous sauver. Ah, croyez-moi, je vous ai donné ma parole, je la tiendrai, je ferai tout ce que je pourrai humainement. » François les écouta tomber un par un, ces mots qu'il avait prononcés lui-même, si peu d'heures auparavant, dans cette même pièce du même pavillon. Madame Nutsved mettait à en détailler les syllabes une lenteur cruelle. Un mépris si insultant émanait de chacune de ses intonations que le fils de l'officier sentit le pourpre de la honte lui monter au visage. Ce fut en lui une réaction instinctive et passionnée comme s'il avait reçu un soufflet en plein visage. Impulsivement, emporté par un vertige plus fort que toutes ses réflexions, que tous ses principes, il rouvrit la porte fermée et sans une nouvelle parole d'explication, sans un reproche, sans une plainte, il marcha droit au bateau en disant « Eh bien, soit. Vous voulez aller à Stretlingen, allons-y. » Madame Nussfeld ne parut pas étonnée d'un retournement dont elle ne le remercia pas non plus. Il était occupé à chercher les rames. Elle se mit à l'aider, comme s'il ne menait pas d'avoir l'un avec l'autre une discussion de vie ou de mort. Lui non plus ne manifesta aucune surprise d'une attitude qu'il accepta comme si son auxiliaire dans cette manœuvre était Hartmann, le batelier. En 5 minutes, la barque fut garnie de ses avirons. La lune, débarrassée des nuages qui l'avaient voilée toute la soirée, éclairait ce départ. Cette lueur permit à François d'éteindre sa lampe électrique après qu'il eut trouvé et décroché la clé de la grille du débarcadère. Si la proscrite eût gardé quelques doutes sur la sincérité de son compagnon, ce petit détail l'eût dissipé. Le jeune homme prenait toutes les précautions qui pouvaient assurer leur fuite. Ils montèrent dans la barque, ayant saisi chacun une paire de rames. Ils commencèrent d'aller, longeant le rivage d'assez près pour que l'ombre des montagnes leur permît de passer inaperçus. Ils continuaient de se taire tous les deux, elle se contentant de suivre la direction qu'il imprimait au bateau. De temps à autre, ils s'arrêtaient, retournaient la tête, et essayaient de percer la nuit du regard pour retrouver des points de repère qui lui permissent de bien gouverner. Autour d'eux, le lac développait sa nappe immense, que cette lumière comme surnaturelle teintait de nuances d'argent et de perles, de nacre et d'opale. Les lignes neigeuses de la Blümlisalp, de la Jungfrau, du Mönch, de la Eiger, se profilaient avec des blancheurs fantomatiques sur le velours sombre du ciel, où brillaient maintenant les étoiles, et les autres montagnes plus rapprochées, qui cernent le lac, montraient des alternances d'ombre et de demi-jour qui sculptaient en relief toutes les cassures de leur sauvage pente. La plongée des rames dans cette eau comme morte et leur sortie étaient les seuls bruits distincts qui animassent ce vaste paysage, dont la beauté sereine faisait une entité si étrange aux pensées des deux rameurs. Ils arrivèrent ainsi, en 3 quarts d'heure peut-être, à l'endroit où la rivière Kandor débouche dans le lac de Thun. « Nous devons aborder là, » dit le jeune homme. « Vous irez jusqu'au grand pont, et vous reconnaîtrez Stretlingen à sa vieille tour. » C'étaient exactement les premières paroles qui eussent été prononcées depuis ces 50 minutes qu'ils étaient assis dans le bateau. Madame Nutsved ne parut pas les avoir entendues. À la manière dont elle donnait maintenant ses coups de rame, son compagnon pouvait deviner combien elle était fatiguée. Pourtant, lorsque la pointe de la barque eut touché la terre, dans une toute petite crique entre deux rochers, qui permettait une facile descente, elle retrouva son énergie pour se lever et sauter dehors sans accepter la main que François lui avait tendue afin de l'aider à franchir les bancs. Il était, lui, resté dans la barque. Une fois sur le rivage, elle ne lui dit pas merci. Elle l'interpella brusquement avec l'impérieuse brièveté qu'un créancier peut avoir pour réclamer le paiement d'une dette à une personne avec laquelle il est brouillé. « Vous avez une arme qui m'appartient. Voulez-vous me la rendre ?»« La voici, » répondit le jeune homme. Il sortit de sa poche le revolver que l'anarchiste lui avait remis dans le pavillon. Elle tendit le bras pour le saisir, d'un geste si frémissant que tous les remords du jeune homme se réveillèrent soudain. « Non !» dit-il en retirant lui-même sa main et sans avoir abandonné l'arme à ses doigts avides. « Je ne vous donnerai pas ce pistolet si vous ne me jurez pas ce que je vous ai demandé là-bas. « Rendez-moi cette arme !» répéta-t-elle. « Vous n'avez pas le droit de la garder. Je vous l'ai confiée et non donnée. Elle est à moi. Rendez-la. Vous ne l'aurez pas !» dit-il. Et comme il vit qu'elle s'élançait pour lui arracher le revolver des mains par surprise, il le lança dans le lac. L'audacieuse femme ne put retenir un cri de colère. Son poing se leva comme pour frapper. Puis, éclatant de ce même rire strident qu'elle avait eu une fois déjà, « Il y a des armuriers et des chimistes partout !» vociféra-t-elle. « Vous n'aurez rien empêché, entendez-vous ? Rien ! Vous aurez seulement commis une lâcheté et une infamie, et tout cela parce que vous avez eu peur. Malheureux, vous n'êtes pas un gibier pour nous, vous ne valez pas la balle qui vous tuerait. » Et saisissant des deux mains le bord de la barque, elle la repoussa vers le lac avec une force extraordinaire. Avant que François, qui avait saisi les rames, eût pu atterrir de nouveau, elle avait disparu en courant. Cette dernière insulte l'avait si complètement exaspéré lui-même qu'il ne se possédait plus. Il voulait la forcer du moins à rétracter ce qu'elle avait dit, exiger qu'elle lui en demandât pardon. Il descendit sur le rivage et se mit à la chercher derrière les arbres et sur le chemin qui longe le lac, vainement. Il finit par remonter dans le canot et il recommença de ramer dans la direction de Stockhorn. À mesure qu'il avançait sur cette eau toujours caressée par la brise et sous ce ciel palpitant de larges étoiles, la majesté souveraine de cette nature à laquelle il n'avait pas pris garde l'enveloppait, l'envahissait. Le délire qu'il avait saisi sous l'insulte de la jeune femme s'apaisait pour laisser la place à une espèce de pitié révoltée. La férocité de l'anarchiste indignait en lui le chrétien pour qui le respect de la vie humaine est la première des vertus, en même temps qu'il ne pouvait se retenir d'un étonnement, presque d'une admiration, devant le courage dont il avait vu cette créature si jeune animée. Cette sensation du monstre moral lui infligeait un inexprimable malaise. Il appréhendait de se retrouver de nouveau en face d'elle, et en même temps, il sentait qu'il le désirait, qu'il aurait voulu se justifier, expliquer les raisons qui lui avaient interdit de rendre l'arme. Le scrupule de conscience se mêlait à toutes ses impressions. Cette arme refusée et jetée dans l'eau ne lui donnait aucun remords. Mais il se reprenait à se poser le problème de la parole donnée, et quand, plus tard, la barque, une fois rentrée, toutes les traces de cette expédition nocturne effacées, il se retrouva dans sa chambre, couché dans son lit à quelques pas de sa mère endormie, c'était encore ce problème qui le tenait éveillé, malgré la fatigue. J'ai tenu ma parole. Ai-je eu raison? Où était le devoir? Quand on a bien agi, disent tous mes livres, on le sent à la paix de sa conscience. La mienne est si troublée, au contraire. Devais-je agir autrement? Je sens aussi que je ne serai pas moins troublé. Alors, mon Dieu, faites que je n'apprenne pas que cette femme a commis un autre assassinat.